Dieu l'adorable et le vénérable. Sujet de notre adoration. Sujet de notre joie. Source de notre salut. Refuge pour notre sécurité. Nous rendons gloire et hommage à ton Saint nom. Le nom unique et exceptionnel. Dans lequel il y a tout. Le nom de la providence divine, le nom du salut de Dieu, le nom de la sécurité céleste, le nom de toute famille dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ est ce nom. Nous aimons ce nom et nous l'adorons. Nous l'élevons par-dessus tout. Dieu lui-même l'a déjà élevé au-dessus de tout nom. Qu'elle puisse dominer sur nos maladies, sur nos troubles de la santé, l'affection de ce corps, sur les troubles sentimentaux, domine sur cela et prends le devant de la scène maintenant pour conduire cette réunion merveilleusement à notre avantage. Pardonne nos péchés. Amen. Bimbisa masumu na biso. Tout mal qui a été fait. Seigneur, mabeno se salamaki. Na makani tuna misala. Pardonne Seigneur Jésus. Bimbisa kolo amen. Et accueille-nous plus près de toi. Et amba biso pene pene na yo. Dans la sainteté et la dignité chrétienne. Abo santo pe bolamu ya bokiso. Donne-nous l'honneur que mérite le croyant. Sa biso lokumu e bondi pona biso. À cause de la force de ta justification. Na bokasi ya kolongi sama na yo. À cause de la fidélité de ta parole. Na bosembo eloko na yo. Seigneur Jésus. Conduis cette réunion et parle à chaque cœur. Brise le formalisme, toute froideur, tous les liens de la sorcellerie, toutes les forces du mal qui coalisent dans les ténèbres pour jeter les mauvaises sorts sur le peuple. Confonds-les, Seigneur. C'est toi notre force, c'est notre délivrance, c'est toi notre joie et notre joie et la paix durable. Élève ton nom par-dessus nous, au-dessus de nos épreuves et de nos troubles. manifeste la grandeur de ce nom, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Et nous soif de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, et ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Nzambe ateba oyo boikati na lingomba na liboso bantoma na mibale basakoli na misato balakisi na sima basali na bikamusili na sima babikisi na sima basungi pe babongisi pe balobina malobana ndenge na ndenge. De Corinthiens chapitre 10, kandali mbale ba Corinthiens mokapazomi verset 6 molonga motoba à 9 kino libwa. Nous sommes prêt aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurait en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Atana jali koleka mwa ete na mikumisa pona bokondi na biso. Oyo nkolo apesi biso pona kupembisa bino, pona kubebisa bino te. Ata bongo na koyoka soni te. Nde nalingi komona na te lokola ete na jali koyokisa bino soni na nzela na mikanda. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Mokanda liboso ya Thessalonika mokapo ya mibale 6 à 8. Molongo ya motoba kino mwambe. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'ils nourrissent prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Toluki l'instant joli et pas inabatoté, soko et pas inabinoté, soko et pas inabamosusuté, ata tobongi, kosenga ka biloko lokola, bantoma na Christo. Kasi tokomi batona malembe na kati na bino pela moko mama oyo ajali kobokola bana na ye mpenza boye awa ejali biso na bolingo monene epai na bino toselingi ko kabela bino bobele sango malamu na Nzambe te kasi bomo na biso mpenza po ete bosili kokoma balingami na biso. Bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Cette soirée soit agréable du fond de chacun de nous. Et que l'homme intérieur soit puissamment fortifié pour le voyage que nous faisons jusque dans la gloire. Sur cette terre et sous le soleil, nous ne sommes pas venus établir des demeures éternelles sur la terre, mais vouloir durer durablement et éternellement ici. Mais nous sommes venus en service pour être tentés. pour combattre les problèmes que nous sommes capables de vaincre. À cause du nom du Seigneur Jésus. Qui nous impartit et nous alloue ce temps. Et nous donne ce souffle de vie sous le soleil. Et nous devons racheter chaque minute. Chaque seconde. Chaque heure, chaque jour, chaque semaine, racheter ça pour Dieu. Regrettant tout le temps perdu dans le mal, nous sommes fiers de nous mettre au service de Dieu, d'être comptés parmi ses adorateurs, ses adoratrices, qui écoutent sa voix et accomplissent sa volonté. Êtes-vous de cela? Êtes-vous de cela? Sinon, notre existence sur terre n'aurait pas de sens. Si nous venons sur terre pour servir Satan, pour accomplir les volontés de la chair, et les volontés de nos pensées, pour servir des boucs émissaires aux sorciers, être la cible des envoûtements, les grands foyers dans lesquels les envoûtements sorcelleries se manifestent. Ce n'est que pour ça que nous venons sur la terre, pour être obscurci complètement, pour tourner en rond sans jamais avancer, accumuler les échecs et des échecs, raconter des échecs et des défaites. Alors notre vie n'a pas de sens. Christ est notre vie. Ta parole a cette vie. Et nous voulons la refléter. Il était l'adorateur. Exemplaire pour nous les humains, mais il était aussi le Dieu adoré dans l'humain. Le seul corps humain de Dieu. Corps humain. Il a vécu de la vie d'homme sur terre. Né comme les hommes naissent. Grandit comme les hommes grandissent. Mort d'une des morts les plus honteuses que les hommes puissent connaître. Mais ressuscité d'entre les morts. Il est Dieu homme. Et le nom de Jésus-Christ, c'est le nom humain de Jéhovah, Dieu d'Israël. Ce nom-là, Jésus-Christ, c'est le nom d'homme de Jéhovah, Dieu d'Israël. Son nom d'homme. Quand Dieu est devenu homme, il a porté le nom de Jésus-Christ. Le propre nom dit que ce nom-là est un nom éternel. C'est un nom éternel qui s'est tenu là et qui se tiendra là. Dans ce nom, vous savez qu'il y a le nom d'éternité de Dieu inclus. Dans Yeshua, il y a le tétragramme. YHWH. C'était ça le nom d'éternité que Dieu avait dévoilé à Moïse. Les quatre lettres imprononçables. Les quatre mystérieuses lettres du nom sacré de Dieu. Ce nom-là est inclus dans le nom de Jésus. Bien que la traduction ne le ressorte pas clairement. Dans la traduction, on a dit Jésus-Christ. Mais l'original, c'est Yahshua. Voilà. Mashiach. Ali Yahshua Mashiach. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Yahshua ou Yehoshua. Yahshua ou Yehoshua. Mashiach. Donc Jésus le Christ. Et Ali Jésus-Christ. Jésus le Messie. Christo Mashiach. Mashiach c'est Messie. Mashiach Ezali. Et la forme grecque de Messie, c'est Christos. Olengi abaela yango Ezali Christos. Quand on traduit Mashiach en langue grecque. Tango valimbo yango na kota na baela Ezali Christos. Et quand on traduit Christos en lingala, c'est Christo. Sango balimbo yango na kota lingala ezali Christo. Christo. Christo. Puisés du grec et non pas de l'hébreu. Et outi na baïla kasi na baïbeleke. Oui, déformation en déformation. Ezali ko kende na lolenge ya kobebisa na kobebisa ma. Alors, si on met en Kikongo, je crois c'est Christo. Ce qui va le mettre à côté du Congo, c'est le Christ. Donc tout cela basé sur le grec Christ. Non, ce n'est pas en hébreu. Christ n'est pas en hébreu. Christ, en hébreu, c'est Mashiach. Mashiach, le Messie. Yohana le Mashiach, mon Pakolami. Le Oin. Alors, dans ce nom, il y a Kongwana, le nom mystérieux que Dieu avait appelé. Et la combo na libomba mi oyo Nzambe alobela ki Mose. Vous avez Y. Vous allez na ekomeliwana Y. Vous allez na H. Le B et vous avez P H les sousou. Donc les quatre là, c'est ça le nom d'éternité de Dieu. Mine yoana yangwana combo ya libela libela izalata na Nzambe. Il a été traduit ou traduit par Jéhova. Oyo elimbo la makina Jéhova. Donc les témoins de Jéhova ont ajouté des voyelles là-bas. Tango batu ba tatu lewa Jéhova ba bakisa ki ikomelikuna. Quand Dieu avait prononcé, il n'y avait pas de voyelles. Tango Nzambe alobaki yango izalaki na. Il y avait les quatre consonnes. Izalaki bobeli na ba consonnes mine. Mais pour prononcer cela, il fallait transpirer. Ona ku loba yango bisengela kotoka. Consonne comme ça. Le lingue nini, okoloba, ma consonne gongo, kozanga, voyelle nakati. Ce sont les voyelles qui rendent fluide de la prononciation. Yangoana et komisaka, koloba, lokola maïboué, et si le. Jésus-Christ, voyez, il y a des consonnes, une consonne. Vous allez na ma consonne, la nani na voyelle, pe bongo na bongo. Là encore, consonne. Une voyelle, consonne. Et donc, avec ça, ça respire un peu, on peut prononcer. Wane zali kofé ma moke, okoki koloba malamu. Mais quand maintenant, ces noms-là, de Dieu. Tango kombo wana ya Nzambe. Voilà. Y. Comme le wana Y. W. H. P. W. Donc, dans Exode 3, verset 14 et 15. Dans Exode, Misato, Dieu a dit, Molongo ya, voilà mon nom pour les prix. Le Branham dit, aucune école de théologie n'a jamais réussi à l'interpréter. Aucune école de théologie. Aucune école de théologie. Ils n'ont pas fait. Bango va koka kite. C'est indéchiffrable. Wana bokoiko bimisango na kolele boete. Dans nos langues humaines. Na bakota na fa bato awa. Alors quand ils ont trouvé que c'était compliqué à prononcer. Na mona ke dali pas ki pona koloba yango. Les juifs, les théologiens juifs ont préféré. Batali ki ndawa ba yo na mona ke. En appelant ça Adonai. Balobi ti ba benga yango Adonai. Donc Adonai comme étant le grand seigneur. Kola kolo monene. Parce que il y avait Adon. Oyeti ezalaki na bayebeli na kota na bango ezalaki na Adon. Seigneur ou maître. Ezali nkolo to molakisi. Ou maître, un chef. To mokonzi. Donc un chef. Mokonzi. Alors, Sarah appelait son mari Adon. Sala bengaki mobali naye Adon. C'est ainsi que même Pierre est revenu à cela disant, les cette femme qui servait Dieu, elle l'appelait leur Seigneur. En se référant à Sarah, Sarah appelait son mari Abraham, Adon. Il traduit en français, veut dire, Seigneur, est-ce minuscule? Mon Seigneur, est-ce minuscule? Maintenant les Juifs, on a grandi ça. Où l'homme est un chef. Au-dessus de l'homme, il y a Dieu le grand chef. Donc ils ont dit, Dieu doit être Adonai. Le grand seigneur. Le grand maître. Le chef suprême. Adonai. Adonai. Là, c'est pour fuir la prononciation de ça. Les quatre lettres ici. Il y a, et pendant des siècles, c'était un défi. Ok, que le Seigneur soit béni. C'est pas notre sujet ce soir. On est allé, maman, mais nous voyons que dans le nom du Seigneur, il y a tout ce qu'il faut. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes en train de parler de William Branham qui est identifié comme étant apôtre prophète. Dimanche dernier, c'était la troisième partie de cette méditation sacrée. Et voilà que nous avons essayé de parcourir une citation vers la fin, sans la commenter à fond, à cause du temps. Bon, s'il fallait suivre la majorité, il fallait seulement continuer et commenter. Mais encore là, nous avons pastoré un peu. À cause du fait qu'il y en avait des indécis parmi nous. Quand même, un certain nombre de ceux qui n'étaient ni pour, ni continuer, ni pour. Prononcez-vous, ils ne se sont pas prononcés. Ce n'était pas un vote, c'était juste un sondage d'opinion. Voilà. C'est que nous avons dit toi à repenser instantanément. Alors, nous avons lu quelque chose ici dans les sermons debout dans la brèche. Et c'est une citation importante. Dans laquelle le Seigneur a parlé clairement à son prophète William Branham, le ramenant au poste du devoir que lui est en train de faire. Et si nous devons y revenir, nous pouvons relire cela comme ceci. Oh, Dieu, il sait ce qu'il fait. Debout dans la brèche, il nous dit ceci. Prêchait le 23 juin 1963. Alors, paragraphe 117, deuxième partie déjà, ici. Sont, comme nous arrivions au bas des montagnes, à une vingtaine de miles de la ville, quelqu'un se mit à me parler. Il était au volant. Comme Dieu est si bon, il peut parler avec nous à tout temps. Même quand vous êtes en train de conduire votre véhicule, Dieu peut parler. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu, il est merveilleux, il a sa façon de faire les choses. Il n'y a pas de limite pour lui. Il peut nous parler à tout instant. Ici, Branham était au volant en pleine nuit et son fils Philippe Paul somnolé commençait à dormir. Alors quelqu'un se met à lui parler. Une voix se mit à lui parler. Quelqu'un se mit à me parler. Comme la voix qui me parla au sujet des écureuils, donc la voix est identifiée à celle qui lui avait parlé au sujet des écureuils, avec autorité, demande ce qu'il veut. Et vous savez que celui-là qui lui avait ordonné de demander ce qu'il voulait, c'était le Dieu créateur. Et il a confirmé son identité. En se tenant près de son prophète, en l'orientant mot à mot, quand il lui a fait dire des choses et Dieu a créé par ce canal. Alors, la même voix là, pleine d'autorité du créateur, elle s'est mise à parler à William Branham. Il dit, comme la voix qui me parla au sujet des écureuils et d'autres choses. Je vous ai déjà raconté cela. J'entendais une voix me parler, comme vous pouvez entendre ma voix maintenant. Donc, il s'agit de la voix audible. Audible. Qui s'entend clairement. Et qui a impact sur le cœur. Ce ne sont pas que des choses qui seraient intellectuelles, qui provoquent des raisonnements. Mais il s'agit de créer qui prend le contrôle de sa créature. Ok. Peut-être que l'on pensera que je suis malade de nerfs. Parce que les psychologues, les neuropsychiatres, les spécialistes de la santé mentale, ils estiment qu'un homme ne peut pas entendre des voix autres que la voix humaine. Mais s'il y a quelqu'un qui peut commencer à entendre des voix qui lui parlent, alors que ce n'est pas un être humain semblable qui lui parle, sa santé mentale est déjà affectée. Et il faut qu'on examine bien son cerveau. Il est une personne normale. Parce que d'après eux, les oreilles ne peuvent capter que ce qui est capable. Mato yekoiko simba toko yoka yoka maka. Du domaine sensoriel. Oh yekoiko yoka na bikot seli anzoto boye. Domaine de sens d'après le principe de la physique. Anzoto kotale la. Kotale la makamwa physique et biophysique. Donc lorsqu'il y a émission des ondes. Soki kotamo la makamwa zali kotale ma. Les ondes devraient provenir de corps matériel. Esengele uta na anzoto toko simba boye. Physique. Anzoto. Pas de fantômes et de choses comme ça. Les sons proviennent des êtres matériels. Ils ont un corps matériel. Et alors l'autre corps matériel peut capter les sons émis par un autre corps matériel. Alors, lorsque quelqu'un entend, il voit qu'il va, sans qu'il y ait une personne physique, la science ne va pas par quatre chemins. La science appelle ça des hallucinations. Des hallucinations, c'est-à-dire des perceptions sans objet. Il y a pas de corps matériel qui peut justifier les sons qui est émis. Quelqu'un dit qu'il a entendu la voix ou qu'il a vu quelque chose qui passe devant lui. Ces gens-là, quand vous allez en médecine, pour lesquels il faut prescrire des traitements. Pour reposer leur cerveau, les calmer. Et ils ne savent plus avoir ou entendre des choses sans quelqu'un qui peut parler d'une voix humaine. Donc vous voyez que les gens, quand quelqu'un se lève pour dire j'ai entendu une voix, il m'a appelé au ministère. Bon. Devant ces autres-là, il est considéré comme un fou. C'est une personne qui est très anormale. Il ne faut pas lui faire confiance. Parce que quelqu'un ne peut pas entendre des voix audibles. Non. Il doit entendre seulement la voix de ses semblables. Les hommes ou des femmes identifiables. Voilà pourquoi nous disons, et la Bible le dit clairement, que la sagesse de Dieu est une folie aux yeux du monde. On l'appelle clairement folie. Si un frère comme le vôtre passe là et donne un témoignage, comme quoi la voix du Seigneur m'a parlé, je l'ai entendu à tel endroit, on m'a demandé, est-ce qu'il y avait un homme là-bas? Il y avait quelqu'un, il y avait le visage. Si vous ne savez pas dire oui, c'est un fou. Amenez-les au CNPP. On va lui donner des piqûres, l'endormir pendant longtemps. Toutes ces choses-là n'opèrent plus. Mais, la sagesse du monde est une folie aussi. Si le monde considère la manière de Dieu comme une folie, alors Dieu aussi considère la manière du monde comme une folie. Entre Dieu le créateur et les hommes les créatures, qui dit vrai? Vous pouvez me dire? Qui dit vrai? Qui a raison? Voilà. Alors, si vous devez suivre la logique intellectuelle, vous n'allez rien reconnaître de ce que Dieu fait. Vous devez entrer dans le spirituel et accepter le langage de Dieu et sa manière de faire. N'est-ce pas vrai? Alors ici, un homme, William Branham, déclare avoir entendu la voix. Et nous reconnaissons que c'est vrai. Nous croyons que c'est la vérité. Et nous déclarons qu'il n'était pas un fou. Mais c'était plutôt quelqu'un qui était dans son meilleur sens. Il avait tous ses sens en bon fonctionnement. Il avait distingué cette voix surnaturelle avec les voix sensorielles qui opéraient dans le naturel. Il savait faire la part des choses. Mais un fou confond les choses. Il prend des fois des chambres. Lorsque les chambres détruisent les capacités cérébrales, quand on prend du cannabis, on prend l'excès là. Vous voyez ces gaillards là, ils prennent toujours des postures, hein, comme quelqu'un qui fait des ils sont trop fiers dans leur manière de se tenir. Trop sûrs d'eux-mêmes. Et voilà. Toi, tu penses qu'il est normal? Parfois, il a une machette là-bas à l'intérieur. Quand il regarde là, c'est prouvé scientifiquement qu'il a une vision colorée. Lui ne voit rien en noir et blanc. Même quand toi, il ne met pas devant lui, il te verra comme dans quatre couleurs. Et quand il va te dire, tu es beau, vérifie les timbres de sa voix. Et quand il vous dit vous, il s'adresse à vous en disant vous, nous sommes nous là de la politesse, il lui quand il rit, il passe son beau temps. Il fuit même. Et lui, il te trouve encore drôle. Tu n'es pas dans ton beau temps. Une personne normale devait se tenir là. Et contempler mon rire. Et puis il dit que tu pries. Voilà, pour lui, la vie normale, c'est qu'on doit voir les autres. Avec des habits colorés en bleu, en orange, couleur rose. Voilà. Bongo. Ça, c'est le fou. Or, les hommes du monde considèrent les choses de Dieu comme une folie. Mais Dieu aussi considère les choses du monde comme une folie. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 20 et 21. Où est le sage? Ça, c'est Dieu qui demande. Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Wapi moto na mayele, wapi mokomeli, wapi molobalobi na ekeke oyo, Nzambe akomisi mayele na mokili, eloko na bolema te? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Po na mayele na Nzambe, mokili eyebaki Nzambe na nzela na mayele na yango penza te. Bongo Nzambe asepelaki kobikisa bandimi na nzela na bolema na ekulu na esakweli. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Poete bolema na nzambe eleki mayele na bato. Pe bolembu na nzambe eleki nguya na bato. Gloire au Seigneur. Kembo na nkolo. 1 Corinthiens 4. Ba konenta yambo mokapamine. Verset 10. Mulunga zomi. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Biso bilema pona Christo, bino bato na mayele kati na Christo. Biso na bolembu, bino na nguya, bino na lokumu kasi biso na soni. Voilà ce que c'est. Tala ezali. Nous acceptons volontairement cette identité. Vous allez kondima. Si le monde veut nous traiter comme des fous. Allez conseiller tout le monde là-bas, tu n'as pas de choix. Wana esika si même dans l'église on trouve des gens. Attaque d'un pays avec beaucoup de bateaux. Ils pensent nous assimiler. Vous allez kubanza koko kwenye service na watu na maboma. Pas de problème. Dans vos alités. Nous supportons. Et nous leur demandons de supporter un peu de folie de notre part. Et voilà, de Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Na lingete boi kilanda impiko pona moi bolema moke. Eh boi kilanda impiko. Alors. Quand nous lisons cette citation, dans le récit que donne Frère Brenham, l'homme intellectuel, le savant, l'homme instruit, le militaire diplômé, supporte un peu cette folie. Mais pourquoi on doit dire ça? C'est son mandat. Quelqu'un qui expose clairement qu'il est fou. Il a entendu une folie parler. Mais il n'y avait pas quelqu'un là-bas. Il n'y avait aucun homme qui était là. Lui est en train de conduire et puis l'autre devant. Elle était où? Dans une voiture, elle était où? Parce que lui, Branham, était dans une voiture. Mais là, la fois qu'il parlait, était où? Dans une voiture. Où il était en train de survoler l'espace. C'était quoi ça? C'est la folie. C'est la folie. Il y a un homme qui était là. Qui portait un peu de folie. La Bible le recommande. Vous voulez vous dire amen? Vous voulez nous supporter cette folie? Vous voulez la haute sagesse de Dieu. Mais que l'intelligence humaine appelle folie. Allons-y. Peut-être que l'on penserait que je suis malade de nerfs. Nous pouvons commenter et on a lu la Bible. Les gens peuvent penser cela. Jusqu'à présent, ils peuvent entendre et puis dire qu'il est malade de nerfs. Donc, vous tournez sonné. Vous tournez sonné. C'est pas normal. Mais je n'avais pas fini d'exprimer ces pensées. Quel médic la voix me dit? Est-ce que j'ai déjà dit quelque chose d'autre? Quelle la vérité? C'est la première question. Pour aborder la conversation. Oui. La voix s'était mise à me parler. J'ai parlé avec Dieu. Et c'est ce que le monde appelle folie. Keba na maladie ya banere ya batoboyi. Mais Ezabanerte, c'est le vrai bon sens selon Dieu. Parce qu'une personne normale doit être capable d'identifier la voix de son Créateur. Tu dois reconnaître la voix de ton Maître. Sans quoi tu es déconnecté. Et alors, anormal. Un homme qui est dans son bon sens, rendra Christ comme son chef. Christ, quand quelqu'un refuse la guidance de Christ, la conduite du Saint-Esprit, là n'est pas dans son bon sens. Amen. Voilà la vérité en toute simplicité. Et Dieu s'est mis à converser avec Branham. Moi, je crois ça que c'est la vérité. Quand tu te crois comme moi, il est identifié. Toi. Amen. Nous croyons que c'est la vérité et la sagesse de Dieu. Dieu a trouvé sage d'ailleurs. agir comme ça. Ce n'est pas apparaître physiquement, mais de parler avec autorité. Parce qu'il est identifié par sa voix. Et que sa créature puisse identifier cette voix. Quelle grâce. Il pouvait se rejeter. Et quand nous le disons, ce n'est pas du fanatisme. Quand nous disons que ce monde est la création de Dieu, ce n'est pas du fanatisme. Dieu là nous a prouvé dans cette situation qu'il peut créer encore des animaux. Il peut créer des animaux. Il peut ressusciter du poisson. S'il fait ça maintenant, c'est qu'il avait plus autrefois. Et le plus et l'abondant qu'il avait fait autrefois. Nous le voyons à travers la création. Comme il est écrit dans Romains chapitre 1. Quelque chose de vrai. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité doit être libérée. Elle doit être prononcée. Elle doit être entendue et crue. Nous ne devons ni l'étouffer, ni l'emprisonner. Elle doit être dite. Et tomoni kanda na nzambe ebimi na likolo kokwela makambo yonso na kotiola nzambe pe kokesana na bato baoyo bakojipaka makambo na solo na ntina na bokeseni. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Makambo na nzambe makoki koyebana majali kati na bango polele po ete nzambe ye moko amonisi bango yango. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Ils sont donc inexcusables. Pour être longo na tango wana ejalisa ki ye mokili makambo na ye majangi komonana yango nguya na ye na seko pe bonzambe na ye asili koyebisa yango polele epai na makanisi na bato kati na misala na ye bongo bajali na mokalo te. So verset 20 parle de la création du monde. Et par là, le monde a été créé. Et si le monde a été créé, il y a un créateur. Le créateur, ce sont Dieu-là. Le créateur. Et nous sommes appelés à croire ça. Dans Hébreux au chapitre 11, le verset 3, la Bible dit encore ceci, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Pour la condima, tout ce solide mokili et jalisami na liloba na nzambe, bongo biloko, bikota la kabiso, bibimaki na biloko, bikomona na te. Même là où le monde scientifique prend les objets matériels comme référence absolue, comme seule référence, comme seule évidence, nous savons que ces choses visibles là ne sont pas venues à l'existence d'elles-mêmes, mais elles sont apparues. surpasse des choses invisibles. Le Créateur. Le Créateur, il est le Créateur de l'univers. Il est le Créateur du monde. C'est lui qui a créé les écureuils. Les vivants de Frère Branham. Et c'est encore lui qui crée les nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous là qui témoignons de notre foi en lui et de cette réalité que nous expérimentons, nous sommes témoins qu'il nous a créés. Nous d'une nouvelle création. L'ancienne création existe. Et la nouvelle création existe. Nous sommes témoins. Il nous a créés. 2 Corinthiens, chapitre 5. Prenons l'évidence, messieurs. 2 Corinthiens, chapitre 5. Il est écrit ceci. Au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pourquoi nouvelle? Parce qu'il y a une ancienne. De Corinthiens 5:17. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. Makambo na liboso malongui. Tala makambona sika mayei. C'est vrai. Ya solo. Dieu est le Créateur. Ndambe azali mokeli. Et dans Ephésiens 4. Avant de se mokapamine. La même vérité revient. Solo moko ezongami. Verset 21 à 23. Ma tukumbala moko bino tukumbala mitatu. Avant 4 je vais dire. Tukumbala mine. Si dis-moi vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pe bosili kolakisa makati na ye pela moko ejali makambo na solo na kati na Yesu. Bolongola motindo na bino oyo ejalaki na ejaleli na bino na liboso. Oyo mpe esili kopola pona posa mabe. Pe bosikolama na molimo na bikaniseli na bino. Pe bolata motindo na sika oyo ejali na motindo na Nzambe. Na boyenge bene pe na bule na solo. Il est dit créé selon Dieu. Et quel ami ko tale na Nzambe. Non pas selon la science qui nous dit. Non pas créé par les savants mais créé selon Dieu. Nous avons entendu l'évangile. Il faut expérimenter cela. Devenir une nouvelle création. Nouvelle création. Ici dans Ephésiens 2, l'Écriture dit ceci au verset 10, car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été, quoi? Nini. Toujours encore. Obélé, créé. Et cette vérité de création est comme une folie pour les gens. Ils prennent ça aussi pour folie. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, on s'est rapproché. Quand j'ai parlé de la création de Dieu, tu es fou. Alors, ils pensent que c'est une folie pour les gens. Nous nous en foutons. Nous sommes fiers d'être fous pour Christ. Veux-tu dire amen? Car nous sommes son ouvrage. Et il a été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Zambi biso tojali mosala na ye. Tojali sami kati na Christo Yesu pona misala malamu oyo Nzambe abongisi liboso ete Toutes ces choses relatives à la création dont Le Dieu que nous entendons, c'est lui que nous croyons, c'est le Créateur. N'oublie jamais ça. Et dans la foi apostolique, il croyait ça. Dieu le Créateur. Zambé Mokeli. Il était le Créateur. Ye Mokeli. Voyez. Omoni. Dans Acte 17 ici. Misala Zumi na Sambuawa. Paul en a fait témoignage. Dans son apostolat. Nakati na butoma na ye. Il dit ceci au verset 24. Na mulonga tukumi bale na mine. Acte 17 verset 24. Misala Zumi na Sambu tukumi bale na mine. Bon, quand vous prenez le verset 22, vous verrez que c'est Paul qui parle. Paul debout au milieu de l'éropage dit. Alors je saute. C'est Paul qui a dit. Dans les choses qu'il a dit, il a dit. Le Dieu qui a fait le monde. Amen. Amen. Le monde n'est pas l'existence du hasard. Il n'y a pas une génération spontanée. Il n'y a pas une condensation de poussière. Le monde a été fait par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est le Dieu que nous prêchons. Dieu que nous prions, Dieu que nous servons. Le Dieu qui a fait le monde. Et tout ce qui s'y trouve. Amen. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Amen. N'habite point dans des temples faits de mes hommes. Nzambe oyo asalaki mokili. Nabiloko yonso na kati na yango. Yewana ajali kolo na likolo mpe na se. Pe akofandaka na bisambelo bisalami na maboko na batote. Donc. Le monde n'est pas l'existence du hasard. Le monde a été fait par quelqu'un. Le monde est créé par Dieu. Créateur de tout l'univers. Est-ce que ton âme croit ces vérités? Ne laissons pas ta captive, mais reconnaissons ces vérités. Même quand vous trouvez des gens qui n'y croient pas, allez trouver l'instant et expliquez-leur cela. Le monde n'est pas une coïncidence du hasard. La création de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Ça, il faut l'affirmer au effort. Il faut le reconnaître. C'est amen. Amen. Et l'apôtre Pierre aussi. Thomas Pétélope a fait allusion à la création. Lorsqu'il nous avertit contre les moqueurs qui viendraient. Dans 2 Pierre chapitre 3. Il nous avertit. Il dit ceci. 2 Pierre chapitre 3. Verset 3 et 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Bakolo baeti, wapi elaka na ye, koya na ye, zambi, longwa na tango na kufa na bankoko, makambo yonso, maumeli bobele bongo lokola ejalaki. Les moqueurs qui nous sont annoncés ici, ce ne sont pas des athées. C'est mon cœur ici. C'est quand même de mon cœur qui reconnaissent que la création est une réalité. Oh, si ce sont de mon cœur qui reconnaissent que la création est une réalité. C'est que ce sont de mon cœur qui reconnaissent que le Créateur. Que le Créateur existe. Ce sont des gens quand même religieux. C'est des gens qui prient quand même du même. Seulement ils ne croient pas à la promesse du retour de Christ. Ils ne croient pas à l'enlèvement. Ils veulent pas se préparer pour ça. Parce que des gens pareils, en avons déjà entendu parler dans les milieux chrétiens. Ils existent. Pour ne pas citer le nom des églises et des gens. Il y a une église qui ne croit pas dans l'enlèvement. Cette église-là s'appelle l'église mère. Est-ce qu'ils ne reconnaissent pas la création? Est-ce qu'ils ne parlent pas d'un Dieu créateur? Mais ils ne reconnaissent pas la promesse de l'enlèvement. Un jour j'ai affronté un prêtre. À l'époque, j'étais un frère israélien. Alors, en classe, dès qu'il n'y a pas une enseignante je commence à chauffer là-bas les amis. Ces choses-là, il faut comprendre. Ce sont des moqueurs. Ils reconnaissent le Créateur, oui. La Bible dit même les démons aussi reconnaissent l'existence de Dieu. Mais ils tremblent. Donc le fait de reconnaître le Créateur et de parler d'un Dieu Créateur ne suffit pas. Nous devons le reconnaître dans toute sa vérité. Croire et obéir à tout son évangile. L'évangile du Dieu Créateur. Il nous faut croire ça. Et reconnaître ça. Ainsi donc, Bongo, le moqueur existe. Tranquillisez-vous. Ils peuvent penser que nous sommes des malades de nerfs. Et quand un frère témoigne avoir entendu la voix de Dieu, il y a des gens jusqu'à présent qui entendent encore la voix de Dieu. Sur cette terre des hommes où vous vivez. Il y a des gens jusqu'à présent capables d'entendre la voix du Créateur et de l'identifier en tant que tel. Et ceux-là diront que Frère Branham n'était pas fou. Il a fait quelque chose de normal. Dans les domaines surnaturels, c'est normal. Dieu Amen. Nous pouvons l'écouter. Alors, la voix s'était mise à me parler. Je poursuis avec la citation. Je parlais avec Dieu. Et Dieu est le Créateur. Il est celui qui établit les apôtres dans le monde. C'est loin qu'on était 12-28. C'est lui qui est le Créateur qui établit dans l'église. Premièrement les apôtres. Les voilà maintenant conversant avec cet homme de Branham. Amen. Amen. Je poursuis là. J'avais dit paragraphe 117. Deuxième partie. Mais alors là, je fonce jusqu'au paragraphe 123. Ok. Il me dit, exécute tes plans et tu seras ainsi. Je lui dis, mais Seigneur, je ne peux pas être ainsi. Un clochard. Il me répondit, ta femme aussi s'en ira. Elle ne voudra pas vivre dans les montagnes comme cela. Sœur Meda n'allait pas accepter. Et Dieu prévient, il a des plans, des plans à toi que tu veux aller exécuter là. Aller vivre dans les montagnes. Et Branham, il a même dit, je vais juste amener mes dans ma femme, je ne lui dirai même pas ce que je veux faire. Je vais juste amener mes dans ma femme, qu'elle m'accompagne à la chasse. Je vais m'installer là-bas. Pour des bons. Je si Dieu me donne le message pour son peuple, je viens, je donne le message, je dirai. Il pensait bien faire. Il dit, exécute ses plans. Et tu deviendras un clochard. Ta femme ne va pas supporter ça, elle va s'en aller. Moi, si nous avons dit qu'il a de toi. Et tu finiras par devenir un clochard exactement comme tu l'as vu dans le rêve. J'ai dit, ce n'est pas ce que je veux. Je voulais quelque chose de différent. Il dit, j'ai cru comprendre que tu m'avais appelé comme prophète. Et je voudrais vivre dans le désert comme le prophète. Bien qu'il ne s'était jamais identifié comme prophète, mais après l'ouverture de son, et déjà même avant l'ouverture de son, alors qu'il avait fait l'œuvre d'un évangéliste, depuis le réveil de 1945, jusqu'aux années 1962, il dit qu'il a fait sept fois le tour du monde. Il a fait sept voyages missionnaires. Mais au mois de mai 1962, son passeport a reçu un refus de visa. Wana lokasa na ye ezwaki ekomelo akotika lako kala mobembo te voyager en dehors des États-Unis. Ba pétissier akenda libanda ya mboka America. Lui brillait envie de continuer dans les chemins. Ya zalaki na posa ya kokoba na kopalanisa sango. Mais ce qui s'est passé. Parce que s'il a connu ça. Ceux qui détenaient le pouvoir temporaire. Ba simba ki bokonji na tango mokewana. Les papiers, les cartes de vaccination. Ba na kopesa ba makasa, makasa mangwele. Les autorisations de voyage. Pe kopesa nzela ya mibembo. Ce n'était pas un homme qui était derrière ça. Même pas le diable. Mais c'était Dieu. Qui retenait l'homme, son serviteur, pour l'œuvre pour laquelle il l'avait préparé. À l'âge plus avancé. Donc l'interdiction de voyage va signaler un changement imminent des ministères. Le ministère devait matériellement changer. L'automo n'a boué penza et c'est là qui est bon, voilà. Non plus être un missionnaire sur le champ des missions. Nous allons parler de sa beauté, n'a dit si tu as parlé de sa mort. Vous comprenez que c'était maintenant le moment où il fallait exercer correctement le ministère prophétique. L'automo ou Alissa Koli. Ça, il comprenait. Wana ya sosolaki. Il comprenait. Yasosolaki. C'est pour ça que dans les sermons, se ranger du côté de Jésus, prêcher le 2 juin 1962, il prêche, se ranger du côté de Jésus. Alors là, il dit que le prophète n'évangélise pas. Mosakoli a parlé de sa et qu'on ne peut pas exercer deux ministères en même temps. Ako kiko sala ma tomo mibale na tango moko te. Faire l'œuvre d'évangéliste. Ko sala mosala mo parlé de sa ngo. En même temps un prophète. Pe na tango moko za mosakoli te. C'est l'un ou l'autre. Les animaux ko tomo susu na mbala moko. Il prépare les gens à comprendre, à recevoir le changement de ministère. Ako kiko sala pe ko yamba bongo na lutu. 3 mois après cela. Ba sans amisa to na sima. Il prêche. Si. Au mois de septembre. Le dimanche que le 22 décembre il a fait une vision. Le Bélibino, mon amokola tukumi balé, lui balé, la constellation d'ange. Et une semaine après cette vision, il programme une prédication. Intitulée, messieurs, est-ce l'heure? L'heure de quoi? Tango yanini? Est-ce l'heure? Tango ici kokoma? L'heure est attendue. Tango wazesile kukila mamingi. Changement de ministère. Ya mbongo wana ya lotomo. Pour exercer le ministère prophétique. Wana kusala lotomo ya bosakoli. Messieurs. Est-ce là? Mbali uyu. Tango siku kukoka wana mutuna. La vision a parlé. Yemuni le siku loba. Mais il y avait des énigmes. Wani zalaki na makamu. Mais choisi un problème. Tango sosola na makamu. Messieurs. Est-ce là? Mbali uyu. Tango siku kukoka. Et maintenant, référant à la vision. Kusala kaya mbongo wana li. Énigmatique. Oui, à l'olengue, bonjour, ma camoufle, la face, il y a beaucoup de l'évangé. Est-ce le signe du temps de la fin? Ouane Zali, et le mot, attends, on la souka. Est-ce le signe, monsieur? Ouane Zali, et le mot, mon palio. Il ne faisait que ces questions. Abonnez, vous voulez, comme tout, la mituna. Deux mois après. Tu as sans amis, balé, la cima. Le Seigneur lui-même apparaît. Poloye, mon cassine, comme on en a. Et vous connaissez la nuée de gloire. Oui, Billy Patana, qui est là. La petite photo. Ouane Zali, na, et l'ingue, mon kien, là. Vous allez, Kobanza. Et on a fait un commentaire en passant. Baki, Maluba, l'ikolo, l'okolo, l'alomingo, le kaka. Et là, qui n'a pas de gloire. L'ipatana, qui est beau, yo. Un bien-aimé frère m'a dit. Mon ligne, ami, de comment le bélingaï. Cher pasteur, j'ai pleuré terriblement. Là où j'étais assis. Et pas il dit que ce n'est qu'aujourd'hui. Que j'ai compris cette nouvelle gloire. Na sosoli l'ipatana, qui est beau, yo. Toutes ces années. Alors, de la manière dont ça a été commenté. Alolengo chaque mois le colombo qu'on a le mingo. J'ai pleuré comme pas possible. Alors, mes larmes, j'avais difficile à retenir. Alomina leli mingi nazara qui n'a pas su kokanga kokoto kokanga pisoni na moi pour m'en rendre participant. Ngana zaina ni pona kozala ndenga nake to mutatu ina likamboyo. Une chose d'un seul niveau élevé. Likambo ya musanda we tombo mingi kolomingi boye. C'est notamment les commentaires qui ont attiré votre attention. Vous allez m'aller coller bien évoqué bien bien. Les êtres angéliques qui ont des selles. Les colons avec les lames, y a banjo, vous allez m'appapou. Quand vous voyez ça, amen. C'est l'indice du trône de Dieu. Amen. Le trône très célèbre que Esaïe a dit. Sur lequel le Seigneur en tant que grand roi. Ce trône-là, donnez le signe de sa présence dans l'espace. Il est moins beau dans les je ne sais pas si ça aussi dit. Naïvité, sauf que dans les mais on a l'amour. Ou si pour toi c'est un récit qu'on raconte. On a les solo, tu as le valise à vous aller colocar. On a raconté beaucoup de choses. Il y a le m'a mingi. Mes chers amis. Maninga. Le Dieu créateur de l'univers. Molongo. Le Dieu de la Bible. Zambé, oui, la Biblia. Il existe, il est réel. Azali pas d'aller solo. Il a traité avec nous pour ce message. Asala qui est le bon abisso. Réveille-toi, toi qui dors. Ressaisis-toi, mon cher ami. Les ondes du malamu, moninga. Arrête la mondanité. Sika, arrête les légèretés. Sika, makambo, alikolo. Dieu t'a donné un évangile très sérieux. Zamba, peso, sang, malamu, oya, solo, penza, un message trop sérieux. Sango, oya, solo, penza, arrêtons les distractions. Sika, makambo, alikolo. Donnons-nous aux choses sérieuses. S'il vous plaît, abonnez le vino. Nous ne devons pas être dans les distractions. Après avoir vu ça. Et si nous comprenons vraiment ce que Dieu a fait, nos vies ne doivent pas être ce qu'elles sont là. Ou pour prier, il faut forcer. Pour pratiquer la parole, il faut forcer. Ça ne doit pas être ça. Dieu s'est rendu tellement tangible. Zambé, ami, comme ça qui pense à tout, maman, il voit tout ce qu'on a besoin. Une preuve scientifique. Kotalisaka, likambo, de son existence et de son rien. Y'a beau zalisani naé, pe y'a beau solo naé. De sorte que l'évangile qui parle de la folie. Le gars était sans malheur, allez, la folie de Dieu. Allez, man, Zambé. A reçu un plus. Même si les scientifiques nous exigent des preuves, de dont nous entendons la voix, nous pouvons la brandir. Il est là. C'est lui le créateur. Il est réel. Voici la preuve scientifique. Dans les domaines matériels. Auxquels vous accrochez là. Amenez-nous dans le surnaturel. Le surnaturel agira. Amenez-nous dans les scientifiques. Les preuves sont là. Pas une seule, mais plusieurs preuves. Nous savons alors de quoi nous parlons. Mais nous sommes aussi fiers d'être fous pour Christ. Ça ne nous gêne aucunement. Êtes-vous là? Alors, avant que cette nuit n'apparaisse, je vous vous attendez à deux situations. Soit c'est sa mort physique, soit c'est l'accomplissement du ministère prophétique à 100%, non pas sous le label de l'œuvre de l'évangile. Et il y a le discernement prophétique. Mais il fallait jouer le rôle d'un prophète littéralement. Et Dieu a fait grâce qu'il en soit ici. Vous savez pourquoi? La Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée au prophète. La parole de l'Éternel vint à Isaïe. La parole de l'Éternel vint à Ézéchiel. Tous ces prophètes recevaient la parole directement. 1963, chacun de ces sept sceaux-là, l'ange est descendu littéralement du ciel. Jour après jour, pour communiquer la prédication du jour. Comme jamais auparavant, et comme jamais après, juste une seule semaine. Le peuple n'a pas dit, Lodi, depuis ce jour-là, Mokoluana, depuis cette semaine-là, Mokoluana, cette Bible, Lodi, Bible Aoyo, est devenue nouvelle pour moi. Et comme beaucoup Asika Ponangaï, nouvelle, Asika, Bible Aoyo, Il avait toujours lui prêché. Attends, qui fait la côté latine à désormais, c'était autre chose. Et il a ajouté. Si jamais de ma vie. Soki, il a prêché quelque chose d'inspiré. Côté, il a depuis pendant ce temps-là. Il a qui n'a pas amen. Ce n'était pas l'homme. Il a médité. Il a cherché des références pour développer un sujet. On a commandé ça à un ange bénin de Dieu. Et, amen. Il vient donner les références bibliques. Expliquer la prédication à Branham. Et lui demander d'aller transmettre à l'église. Ça, c'était le rôle parfait. Wana ezali mosala ebongi te penza ya botakoli. Consistant à transmettre le message littéral de Dieu. Nous allons sango ko uta na Nzambe. Nous aimons le Seigneur. Biso toliki kolo pona bosembo na ye. Il nous a fait cette grâce. Ya sali biso ngolo wana. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Biso zali kosala nini lelo oyo. Le ministère prophétique s'est exercé là. L'automo ali sakoli ngwe salama kiwana. Alors comme il est dit dans la prédication, le temps de la fin. Papa kola mina tango na suka. Il n'y a pas d'office supérieur pour révéler la parole que le ministère de prophètes. Il n'y a pas d'office supérieur, il n'y a pas de fonction supérieure pour révéler la parole que le ministère d'un prophète. Comprenez, la parole a été révélé. Les sceaux ont été révélés par Dieu lui-même. Prenant son nom sous son contrôle. Mais une telle annonce devait faire jubiler le croyant. Et c'est jubiler. Regardez comment nous recevons ça. Croisement. Avec formalisme. Amen. De manière formaliste. Une telle annonce. Que l'œuvre tant attendue là. C'était l'œuvre de cette semaine. Là. La mission de Jean-Baptiste. Préparer le peuple à recevoir le Messie. Dieu a préparé Jean-Baptiste pendant combien d'années? Oui? Non. Jean-Baptiste. Pendant combien d'années? L'église ne sait pas. L'église a évité. Pour présenter le Christ. On a constaté sa Christ. Préparation. Oui. Il a rempli du Saint-Esprit de le ventre de sa mère. Pourquoi faire? On a constaté. Pourquoi cette particularité-là? Ponanini, il est né nazirien. On n'est pas touché aux boissons en Israël. Pourquoi faire? Ponanini. La personne qu'il allait présenter, c'était le créateur de l'univers. Et lui devait préparer le peuple à recevoir cette parole. Amen. Pendant 9 ans de vie familiale, Uta, il était dans ce Nazaréen. Dès l'âge de 9 ans, il s'est retiré au désert. À l'écart, vivant seul là avec Dieu, le créateur dont nous parlons, il existe de toute évidence. Et pendant les 21 ans là supplémentaires, il attendait le jour J. Et la mission a duré combien de temps? Mais la présentation elle-même du Messie a duré combien de temps? Il a présenté le Messie à Israël pendant combien de temps? N'est rien de temps. Quelques secondes. Vous lisez la Bible, non? Est-ce que cette question est difficile, vraiment? Vous craignez d'échouer seulement. Vous allez craindre d'échouer. La présentation du Messie. Il a présenté le Messie combien de fois d'abord? C'était pendant combien de jours? Est-ce que c'était toute une journée entière? Regardez les choses que Dieu fait. Il a pris toutes ces années à préparer le vase pour quelque chose qui n'a duré que quelques heures. Jésus est venu, il a parlé un peu avec lui, après il a baptisé, il dit c'est lui. Alors, après ça, qu'il puisse croître et que moi je puisse diminuer. Ah! Alors il a fallu prendre toutes ces années. Tous ces jours là-bas, que la Ozanga tata to mama. Ceux qui viennent prêcher au désert. Aya kotea. Au bord du Jourdain. Ate akuna na yapeme ya yaladene. Pendant 6 mois. Uta sanza motoba. Et enfin, il présente le Messie. Nasima atali si masia. Au courant d'un jour. Obeli mukolomoko. Mission terminée. Likambo silinoso. Amen. Dieu aussi avait une œuvre à faire. Nzambe kazaka na mosala kosala. Avec William Branham. Elongona William Branham. Il sera plus âgé. Tango ya kokola kozala mokolo. Et cette œuvre c'est quoi? Mosala ne zali nini? Ils allaient lire Amen. Ils allaient lire Abile Mosambo. Pendant une semaine. Poso Moko. Amen. C'était ça. Ils allaient Ango. Prédication de cette chose. Lire Abile Mosambo. Amen. Et il a pris toutes ces années. Azaki Mibunyo Soana. Pour renvoyer l'ancien de mission. Pour appeler. D'ailleurs, les frères ont parlé de cette angoisse mais Awa. Il devait apporter le message de cette chose. Et c'est Engela qui a mis ma voix le sang Abile Mosambo. Mes chers amis, Baninga Langaye, que vous dit ce livre-là de cette chose? Auquel Dieu a donné une si grande importance. Autant d'années préparatoires. Qu'est-ce que vous en faites? Vous parlez de Dieu, hein? Yeshua Zaliawa. Vous parlez de Dieu, c'est bien. Mais que vous dit ce livre, ces révélations? Qu'en savez-vous? Si l'on vous demandait, le premier saut dit quoi? Mais savez-vous? Deuxième saut, dis quoi? Les savez-vous? Mais vous êtes courant du message. Et vous attendez l'enlèvement. Comme ça, hein? Bongo. Le troisième saut, dis quoi? Les vous êtes quand même courant du message depuis des années. Et vous attendez l'enlèvement. Dans cette légèreté-là. Avec ce grand niveau de négligence. Que Dieu ait pitié de nous. Nzambe ayoke na biso mawa. Nous nous occupons trop de futilités. Et les choses importantes, nous les négligeons. Bonté divine. Bolamu ya Nzambe. Bonté divine. Bolamu ya Nzambe. On réclame pitié. Ressaisissons-nous. Nous devons nous donner aux choses de Dieu. Cesse de les répéter. Donne-toi aux choses de Dieu. Dieu a fait des choses grandioses. Il donne beaucoup plus d'importance à sa parole qu'aux œuvres et aux miracles. Amen. Il sait que les œuvres, même si ça peut vous étonner comment, la première création, l'univers ici, tout ce que nous avons dans l'univers, c'est phénoménal, c'est miraculeux, mais tout ça passera, mais la parole demeurera ici. Il a dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Comprenez qu'il donne plus d'importance à sa parole, aux œuvres de la parole. Mais la parole elle-même, Dieu y donne beaucoup plus d'importance. Que le Seigneur aide chacun de nous à se ressaisir. Donc, maintenant, Frère Branham dit, j'ai cru comprendre que j'étais, tu m'as appelé comme prophète. Après nous vêtir de saut, quelques mois avant de nous vêtir de saut, avec tout le bouleversement qu'il a connu sur le champ missionnaire, il savait que Dieu s'est préparé à quelque chose. Soit c'était la fin de sa vie, Et si c'est le cas, quelqu'un d'autre devait continuer avec le message. Si ce n'était pas ça, c'est qu'alors c'est le ministère prophétique qui devait s'exercer au sens complet du mot. Pendant un temps dans l'église. Et Dieu l'a fait. Les sermons qui ont été donnés. Après les prédications de cette journée, ce sont des sermons d'affermissement pour affermir ce que le Seigneur notre Dieu nous a révélé. Mariage et divorce. Prêcher l'année de la mort de William Branham. Deux ans après la révélation de cette chose. Mibumi balena sima ya kufunga ya bilimbo sambo. Le Branham dit que ça faisait suite et c'était à cause de la révélation de cette chose que Dieu est revenu encore dire quelque chose sur le mariage. Mibumi balena sima ya kufunga ya bilimbo sambo. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et quand il dit, il a cru comprendre dans le que Dieu l'a appelé son prophète. Il n'a pas trompé Dieu. Il n'est pas allé en faire une publicité personnelle. Okay. Pour leur dire, je suis prophète quoi. Non. Il dit, j'ai cru comprendre que tu m'avais appelé comme prophète. Nous venons de circonscrire cette déclaration que le prophète donne à son Dieu. Et je voudrais vivre dans le désert comme le prophète. Il est sincère. Mais il dit, ce n'était que des excuses pour pouvoir aller à la chasse. Je ne cherchais que mon propre intérêt. Les gens n'ont pas écouté mon message. Alors, autant mieux aller dire Rambrousse. Je continue à crier ici et tout ça. Alors, je me dis, cela était valable pour les prophètes de l'ancienne époque. Ce que tu veux faire là, aller vivre Rambrousse dans le désert, cela était valable pour les prophètes de l'ancienne. Est-ce que nous retenons ce que Dieu dit? Pour notre temps ici, on n'a pas besoin de ces gens impressionnistes-là. Il y a Moutabangomba, Vivakana Bangomba, Moussari Nansambe, Moumbu Yankolo. Dieu dit que c'était valable pour les prophètes de l'ancienne. N'impressionnez personne. Dieu est là, c'est ça le Dieu de ce message. Parce que les gens, ils veulent raconter des choses comme ça pour donner une certaine impression de spiritualité élevée aux autres. Oh, vous avez vu un farceur là, ici, sur Kianza, qui a donné les pronostics du match de Léopard. Il hein? Dieu vraiment, Dieu créateur, mais nous lui disons Masolo et Zabien. Zambé Mokeli. Dieu est devenu grand-père ou quoi? Zamba comme Kokoto et Lenin. Oh, Makambo et Zabien. Et Toko gagné, Nababi autant. Et puis Zamba Lobi, Tango Toko Longa, Bolukangai, après ça a donné l'église. Voilà. Maintenant c'est devenu un sujet de moquerie. Quand les gens veulent ressembler c'est les bas prophètes là, on sort encore cette vidéo, on balance. Vous êtes des sujets ici. Vous avez le lingue. Ça c'est jeter l'opprobre sur les bouchers. Vous allez voir que son il croit sans malamou. N'impressionnez pas les gens. Comment ça va tout être? Il y a un autre prédicateur qui était venu pour m'impressionner au bureau de mission. Vous allez na monter, vous soyez qui connaît pour avoir comme ça, qu'on a na. Oh, pasteur, na kinde ki ngomba. Bolikamoyo, na yoka ki yango, na lata ki yango vraiment. Alors, on a la technique de la frère qui a dit qu'il n'y a pas de gomba. Et puis, alors, il y a un livre qui a dit qu'il n'y a pas de diable. Il y a un livre qui a dit qu'il n'y a pas de livre. Il y a un bando qui a famille, il y a un bafani dans la province, il y a une occasion où il n'y a pas de bomba. Quand il y a un bomba, l'église est trouble, il y a un bafani. Est-ce que ce monsieur, il sait à qui il parle ou il dit quoi? Je vais avoir peur d'être arrêté. Pour la justice, la parole. Donc, je pratique la parole. On me met les cracas. Et je vais la faire. Oh. C'est ce qu'on dit. Oh, c'est ce qu'on dit. Oh, c'est ce qu'on dit. Et chauffeur à Bilamba, mais ici, c'est ce qu'on dit. N'est-ce pas vrai? Tu obéis à la parole et on t'amène de persécution. Pour ça, moi, je dois avoir peur de ça. Moi, chrétien. Paul n'est pas mon frère à ce moment-là. Ils ont fait la prison pour l'évangile. Je m'en fous. Quand il faut faire ce que Dieu dit, je le ferai. Lui dit, oh non, on va t'arrêter. Et l'église, on pense à ça. Alors, j'ai posé la question. Dieu t'avait parlé sous forme de quoi? Là, une vision? Et où c'était quoi? Bon, moi je sais comment Dieu me parle toujours, hein. J'ai dit, ok, dites-moi s'il vous plaît, pasteur. Il vous a parlé sous quelle forme? Bon, en fait, j'avais fait un rêve. Puis, j'ai vu comme s'il y avait un trouble là. J'ai compris que c'était une situation. Je oh, d'ailleurs, le frère m'a dit que Dieu lui a dit d'épouser tel saint. Merci. Merci beaucoup. Après, j'ai appelé le concerné. Toi, tu es allé dire à tel pasteur que... Tu veux le battre, oh non! C'est pas... Moi, je n'ai pas dit ça. C'est le bien monté. Donc, il est venu me tromper. Il y a eu beaucoup de sangai. Au nom de Dieu. Zambé. Moi, je ne parle pas d'un Zambé. Mais à Outungomba. Mais à Zoya Koukouta, il y a mon frère Naïe. Avec mon frère Naïe. Son frère chrétien. Il lui dit des mensonges. Et maintenant, quand son frère retourne chez lui, tu me comprends quand il est allé dire à pasteur. Oh non, pasteur, David a mal compris, je ne lui avais pas dit ça. A Wangani les sous. Mais à Outingomba, n'impressionnez pas les gens avec ça. C'était valable pour l'Ancien Testament. Maintenant là, Jésus a dit quoi? Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Tu peux prier en chambre, Dieu va te répondre. Voulez-vous dire amen? Tu peux prier en chambre. Hein? Et ton père qui est là dans le secret, te le rendra. Bon, là, et puis quelqu'un va venir, oh non, Zamba, la question est Seigneur, après la vision pour nous. Vous allez là pour des histoires comme ça. Pour écouter les histoires de Bonaventure. Mon frère. Bon côté. Notre Dieu peut vous répondre. De lui à vous. Il peut vous parler directement. C'est amen. Vous allez bongo. C'est vraiment amen. Donc, lui, frère Branham, voulait aller vivre dans les montagnes. Dans ses déserts. Comme les prophètes. Dieu lui dit, cela était valable pour les prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est toujours vrai jusqu'à présent. Tu as été appelé à une fonction beaucoup plus haute. Et c'est vrai. D'autre part, tu as plus de dons que... Il a plus de dons que les prophètes de l'Ancien Testament. Tous ceux que vous connaissez l'Ancien Testament. Tous ces prophètes que vous lisez dans la Bible. Lui dit à son prophète d'aujourd'hui qu'il lui a donné plus de dons que. Peux-tu croire que c'est pas la fin de ça? Je demande, peux-tu croire que c'est pas la fin de ça? Vous allez libre Mathieu. Oyo ezali bomate ezande bosolo bosolo nzambe alobi amen. Oui, j'aimerais que tu retiennes kolinga eto simba. Il ajoute, Atiti, tu as été appelé pour prier pour les malades obianga magi pona kobondi pona batakono prêcher l'évangile ekote a sango balamu dans ton ministère apostolique kati na lutomo na oyo ya mutoma. tu connais les choses plus glorieuses et tu as beaucoup de grands dons. C'est Dieu le créateur et le donateur de tout don parfait. Le donateur de toute grâce excellente. Qui dit ça à son homme, sa créature. Qui est-il à fournir? Ça ne peut être que pure vérité. Ce paragraphe ou cette phrase, bon, la traduction de Shekinah, ça a été traduit par que tu as été appelé à prier pour les malades et prêcher l'évangile à la manière apostolique. Na lulenge ya bantoma. Oui, quand ça dit à la manière apostolique, ça prête un peu à confusion. On risque aussi de dire, bon, c'est comme dire faire l'œuvre d'un évangéliste. Hein? Donc ce n'est pas exactement avoir le ministère d'apôtre. Mais Dieu a dit, dans ton ministère apostolique. Et en anglais, kuna na in your apostolic form. Kuna balobi kati na lotomo na yo. Dans ton format apostolique. Ou dans ton format d'apôtre. Kati na lolengo na ya botoma. Voyez ça? Bumoni yango. Alors les autres ont dit la, à la manière apostolique. Basuto balobi na lolengo ya botoma. Bon, le mot est un peu plus faible. Wana balobi zali moke na moke na sengi. Alors le frère dessus ça dit dans ton ministère apostolique. Balobi kati na lotomo na ya botoma. C'est plus clair et direct. Yango zali apolele ko na le ministère d'apôtre. Zali lotomo ya botoma. Dont Dieu a parlé à son propre. Oyo nzamba sili koloba et pas ya mosa kolela. C'est bon, non? Tolingi. Et dans ton ministère apostolique, les choses plus glorieuses, et tu as beaucoup de grands dons. C'est vrai. Pourquoi attends-tu que je te pousse chaque fois que tu dois avancer? Où est ta récompense? Vous voyez? Je peux déjà arrêter ici au paragraphe 121 là. Parce que Dieu dit de lui qu'il avait le ministère apostolique. Et dans un sermon, Frère Branham nous rappelle ceci. La marque de la bête. Prêché le 15 juillet 1956. Paragraphe 38. Laissez-moi vous le dire. Je suis un missionnaire, vous le savez. Qui dit amen? Laissez-moi vous le dire. Je suis un missionnaire. Vous le savez. Est-ce que le tabernacle de chrétien le sait aussi? Est-ce que vous l'avez déjà appris ici? Nous sommes en train de prêcher. Vous n'allez pas nier ça. Nous sommes même encore dans la pensée. Nous sommes identifiés comme apôtre et prophète. Donc le mot missionnaire veut dire envoyer. Et le mot apôtre veut dire envoyer. Et les deux, ça veut dire exactement la même chose. Alors le prophète Branham. Dans le sermon, les noces de l'agneau. Katina, l'itéa oyo. Prêché le 21 janvier 1962. Laissez-moi vous raconter une petite chose qui s'est passée. Je suis un missionnaire. Comme vous le savez. Oui. Yo. Tel que nous le savons là, nous ne le savons pas mal. C'est la vérité, nous le savons bien. Voyez? Il dit qu'il était un missionnaire. Le Seigneur, il dit, je fais l'œuvre missionnaire d'évangélisation. Et j'ai été 7 fois outre-mer. Parcourant le monde entier. Parcourant Le monde entier. Cette fois, outre-mer. Dieu l'a retenu sur le sol américain. Zambe, America, kuna. Pour qu'il reçoive la visitation de ses étrangers. Et qu'il apporte le message de ceci. Et ça, ce n'était pas l'office d'apôtre. Mais c'était l'office d'un prophète. C'est lui à qui vient la parole de Dieu. C'est lui qui révèle la parole divine écrite. Les faits mystérieux d'après lui ont été clairement expliqués. Gloire à Dieu pour son prophète. Mais voyez que les deux ne se sont pas exercés en même temps. Dieu a dû mettre un frein au voyage missionnaire. Il a dû mettre un frein à l'œuvre d'évangéliste. Il a ouvert la fenêtre au ministère prophétique. Mais après cela, le prophète, l'écoute qui écoute est retourné dans les champs de mission. Plusieurs fois les tentatives n'ont plus marché. Dieu lui avait dit d'emmagasiner la nourriture. Donc faisons ça. Dans cette tranche du ministère, il devait emmagasiner la nourriture spirituelle pour que nous ayons de quoi manger quand la famine deviendrait plus grande. C'était un autre ordre de mission. Ça part de 1962 à 1962. De la nourriture spirituelle, selon l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Un ordre particulier. Êtes-vous là? Tout ça c'est pour notre bien, pour le salut de nos âmes, auquel Dieu donne une grande importance. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Croisement numéro 25. J'abandonne tout. Kaka, tu peux me parler à Mitano, à Tikimanso. Tout à Jésus, j'abandonne. Je lui donne tout librement. J'ai la mer et toi en lui. Je vivrai. J'abandonne tout, j'abandonne tout, tout à toi mon sauveur béni, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Oh, yeah. Nos cœurs t'expriment notre gratitude. Amen. Nos remerciements à l'infini de voir la grande œuvre que tu as accomplie en ce temps. Amen. Qui paraîtrait folie aux yeux du monde. Négligeable et même minimaliste. Qui ne mériterait pas autant de valeur selon les normes des humains. Et pourtant dans ta sagesse, tu y as pris tous les soins pour cela. Des années et des années de préparation. Oh Père, fais nous comprendre ce que tu as fait. Débarrasse-nous de toutes les futilités. Amen. Délivre-nous de toute négligence. L'agnosie, le manque de profondeur spirituelle. Place en nous les profondeurs de Dieu. Qui attire et qui appelle. Pour que chacun se donne aux choses du royaume. Que chacun vive sous l'inspiration de Dieu. Que nous soyons capables d'écouter ta voix. Toi, le Dieu créateur, incontestable. Tu vis dans la création. Et tu peux produire de nouvelles créations. Ta parole nous l'a démontré à nous. Et nos cœurs s'y attachent. Croyant que tu es le Dieu des promesses. Et que tu es un Dieu d'alliance. Tu garderas chaque parole. Donc, tu donnes plus d'importance à la parole qu'aux œuvres de la parole. Les réalisations passeront. Mais ta parole demeure éternellement. Enseigne cela à chacun. À chacun de nous que nous soyons différents. Que la mentalité dénominationnelle s'éloigne de nous, Seigneur. Pour que nous donnions beaucoup de valeur à la vérité. Beaucoup d'importance à la parole elle-même. Que le formalisme s'en aille. Que la froideur de l'âge. Mais à nous le réveil du temps. Le réveil de cette heure. Pour que nous soyons conformes à ta volonté. Reçois nos prières favorablement. Sois notre soutien pas à pas, Seigneur. Nous sommes pleins de faiblesse. De stupidité. De choses insensées. Mais c'est toi notre potier. Façonne comme tu veux. Aille-nous à l'image de Jésus-Christ. Ôte le péché et les sénés qui te sauveront. Ôte l'incrédulité chez Asina. Enlève les souillures et la chaleté. Nous voulons la hauteur et la spiritualité. Appuyez ce venant de Dieu. Il est le Créateur. Façonne à nous, à chacun, l'homme de bon. Créé selon Dieu. Faites une justice et une sainteté qui produit la vérité. Inscrite la vérité dans nos cœurs. Comment nos âmes avec la vie de Dieu qui a des dents et la vie de Dieu se manifeste en que nous soyons riches en choses de Dieu. Au nom de Jésus Christ, je te prie d'exaucer chacun de nous dans les impressions, dans les illusions, dans les fantaisies, mais nous voulons la vie réelle, l'humilité, l'obéissance totale à chaque vérité de l'évangile. Aide mon frère, aide ma soeur à naître de nouveau, à recevoir le Saint-Esprit, car il est plus tard que nous l'effacions. Jésus-Christ revient bientôt. L'enlèvement au ciel est une réalité. Certainement, nous ne serons enlevés. Il y aura un enlèvement de l'église. Il y aura un enlèvement des saints bientôt. Aide-nous à figurer parmi ces noms. À écouter de nous tout le chemin que nous. Et aide-nous pas à pas, Seigneur, à être à la hauteur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de la main, nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.